Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet 94.2 FM. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sandrine Lennuyeux, dite SLC, artiste peintre. Bonjour Sandrine. Bonjour Romain. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va tranquillement. D'accord. Alors aujourd'hui, donc, on te reçoit dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet. Est-ce que tu peux te présenter à nous dire un petit peu qui tu es avant d'être une artiste et aussi dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à devenir artiste? J'allais dans le secteur de Briey, à Meurthe-et-Moselle. Je suis née en 1972. Je me suis découvert très tôt une passion pour le dessin. Je dessinais tout le temps, c'était vraiment mon passe-temps préféré. Et après, par la suite, c'est qu'il y a toujours des portraits, toujours dans le domaine des portraits. Après, par la suite, j'y fais un peu découvrir mon travail autour. Et je faisais des portraits de personnes, ils mettaient leurs photographies et puis j'ai dessiné. Bon, c'était mon petit truc à côté les week-ends. Et au bout d'un certain temps, là, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, je vais essayer de me lancer dans la peinture, de sortir un petit peu de ma zone de confort. Oui. Et puis je me suis lancée en regardant un petit peu les tutos sur Internet et tout, et je me suis lancée dans la peinture. D'accord, donc tu es une jeune 72, tu es une jeune quinquagénaire, si je comprends bien. Et donc là, ça fait une dizaine d'années que tu te consacres plus particulièrement au dessin, à la peinture et au portrait. En même temps, tu nous dis que depuis toujours tu dessinais, c'est-à-dire c'est arrivé quand enfant, adolescente, et puis ça t'a jamais quitté. Comment ça s'est passé alors ça? Non, jamais. J'ai toujours gardé les crayons de papier à côté, j'avais toujours un bloc de canson. Et puis, dès que j'avais un petit peu de temps libre, j'aimais bien dessiner, ouais. Ah ouais, c'était vraiment, c'est vraiment mon truc. D'accord. C'est vraiment mon truc. D'accord. Et toi, sinon, avant d'être une artiste peintre, tu as eu une carrière professionnelle? Tu étais dans quel domaine précisément? J'ai passé un diplôme d'esthétique. J'ai passé un diplôme d'esthétique dans lequel je n'ai jamais vraiment travaillé. J'étais plus passionnée par la peinture, le visage. Donc là, il y a quelques temps, j'ai ouvert ma petite boîte en auto où de temps en temps, je participe à des animations. Toi, à la base, tu as plutôt une formation d'esthéticienne, mais tu n'as pas vraiment travaillé dans ce domaine-là? Non, j'ai fait qu'une petite chose et tout, mais je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. D'accord. Mais en même temps, des fois, dans les ateliers d'artistes peintres, comme ça, tu proposes des ateliers, des animations, du body sculpting ou du body painting? Non, c'est pas sur le corps, hein, c'est vraiment sur le visage. Et c'est vraiment pour des animations, pour les fins d'année, les arbres de Noël, les structures pour enfants, les anniversaires pour enfants. Voilà, c'est vraiment du maquillage. J'ai travaillé aussi sur tout ce qui est trompe-l'œil et tout. Donc ça, je travaille plus sur moi ou pendant les périodes d'Halloween. Voilà, des choses comme ça. D'accord, donc ça, en même temps, c'est quand même artistique aussi, c'est décoration. Ah oui, ça me joint. Voilà, tout à fait, c'est de la peinture après sur le visage. Mais c'est presque la même chose. Hein. Simplement, c'est un autre support, on va dire. D'accord. Et donc, toi, ton choix de sujet, c'est principalement les portraits, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. J'ai essayé un peu de travailler sur autre chose, de faire un paysage ou des choses comme ça, mais ça ne me parlait pas du tout. Et du coup, je me suis là vraiment consacrée, c'est vraiment que les portraits. D'accord. Uniquement les portraits. Donc c'est vrai que tu fais des portraits très très chouettes, qui ont une certaine singularité, hein, qui sont très, très impressionnants. Il y a bien une sensibilité, une émotion qui traverse tes représentations, tes créations. On va en reparler dans un instant. Mais avant, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu choisis vraiment le thème des portraits? C'est plutôt masculin, c'est plutôt féminin, c'est un type de portrait que tu fais ou... Non, pas forcément. J'aime bien faire les peaux noires. J'aime bien faire les femmes. J'aime bien faire les peaux noires. Après, j'aime bien faire des tableaux qui vont raconter une histoire. J'ai besoin de faire passer un message dans mes tableaux. Du coup, là, ça va être beaucoup des portraits de femmes, mais j'ai déjà fait des portraits d'hommes aussi. Et oui, il faut vraiment que le modèle, voilà, ça part d'un départ, d'une émotion et tout. Et je vais travailler sur l'histoire d'une personne, en fin de compte. Donc, tu fais le portrait que tu fais, tu le fais à partir d'une histoire. Comment tu procèdes plus précisément dans ce cas-là? Alors, la dernière peinture que j'ai faite, j'ai voulu représenter l'artiste mexicaine Frida Kahlo. Je connaissais un petit peu Frida Kahlo, plus par son image, qui a été d'ailleurs surexploitée commercialement, et un petit peu les tableaux, mais pas beaucoup. Et la dernière fois, je suis tombée sur un reportage sur sa vie, et du coup, ça m'a vraiment émue et tout, et j'ai voulu faire une peinture sur elle, avec elle comme modèle, où du coup, j'explique un peu son histoire à travers le tableau. D'accord, donc Frida Kahlo, c'est une artiste qui t'inspire. C'est une artiste du début du siècle dernier, c'est ça? C'était à quelle époque déjà, Frida Kahlo? Oh, ça fait... c'est début, je dirais, dans les années 1900. Je ne sais même pas exactement la date. Et puis c'était une des premières femmes. Enfin, elle apportait aussi la féminité, ce qui n'était pas forcément... Exactement. Elle a eu des soucis énormes de santé, elle a eu une vie super compliquée, et du coup, elle s'est transmutée, elle a transmuté sa souffrance, et elle a transformé ça dans l'art. C'est beaucoup, ses peintures, c'est vraiment toutes des peintures sur elle-même et sur son histoire. Hein. D'accord. C'est assez, assez lourd, ouais. Super. Et je me suis fait plaisir à faire ce tableau. Super intéressant. Et donc Sandrine L'Ennuyeux, dite SLC, inspirée par Frida Kahlo. On se retrouve tout de suite après une première pause musicale pour en découvrir un peu plus sur SLC et son actualité artistique. À tout de suite. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. my name was Eliza Day. De retour sur Radio FastJet avec SLC Sandrine L'Ennuyeux, une artiste peintre qui va continuer à nous parler d'elle, de sa façon de peindre, de son actualité. Donc Sandrine, nous t'écoutons. Quelles sont tes techniques? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant pour la suite? Alors les techniques, ben, je vais peindre essentiellement à l'acrylique. Et là, depuis quelques temps, j'ai découvert la résine. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. J'en rajoute sur certaines des peintures. Ça apporte un petit peu de brillance et j'aime bien faire des effets un peu, effets un petit peu de miroir. Oui, oui. Du coup, je trouve que c'est un petit plus à rajouter sur mes peintures. C'est vrai que ça offre un rendu vraiment spectaculaire parce que quand on regarde certains de tes tableaux où il n'y a qu'une partie du tableau qui est effectivement, on comprend quand on sait qu'il s'agit de résine, ça donne vraiment un relief tout à fait particulier, mais c'est une matière particulière à travailler ça, la résine, dis-nous Sandrine. Particulière, il faut prendre le coup je pense au début, il y a eu quelques petits ratages au début avant de trouver la façon de faire et qui est la bonne résine. Oui, après, ça permet, j'aime bien travailler, comme j'aime bien travailler sur les portraits, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur les cadres ronds, et ça me permet de faire une illusion avec le miroir, et le miroir cassé, ou voilà, des choses un peu, un petit peu, où je peux justement apporter cette brillance. T'arrives à donner une dimension un petit peu comme si le miroir était brisé, comme si on avait affaire vraiment à une vitre. C'est un peu l'effet que t'arrives à faire avec la résine quand toi tu l'étires. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, ouais, tout à fait, oui. C'est tout à fait ça, oui. D'accord, des fois tu peux mettre d'autres choses en évidence sur tes tableaux avec la résine Avec la résine on va dire, ben là j'ai travaillé sur une peinture. Du coup, c'est un personnage, c'est une histoire pas réelle. Et du coup, c'est une demoiselle qui est un peu glauque, qui est morte noyée. Et du coup, je l'ai représentée. Et puis, du coup, j'ai pu apporter de la profondeur avec l'eau et tout. On comprend bien la peinture quand on regarde. Avec la résine. Alors ça, c'est un peu particulier comme tableau celui-ci. Alors c'est cette femme, cette personne noyée. Oui, c'est un petit peu particulier. Ouais, ben c'est un peu mon univers. Hein. C'est un univers un petit peu, on va dire, un peu fantastique, un peu symbolique. D'accord, c'est comme ça que tu le définis, ça symbolique, fantasy, science-fiction, ou comment tu définirais précisément donc... Oui, voilà. D'accord. Oui, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc un univers un peu fantastique en réalité dans tes représentations. C'est bien ça. Oui. D'accord. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, je crois que dernièrement, au niveau de ton actualité, où est-ce qu'on peut voir ton art? Donc, je crois que récemment, tu étais sur Metz. Qu'est-ce que tu as fait sur Metz, là, ces derniers mois? Voilà. Alors là, j'ai pu participer au Salon Phare, du coup, à Metz, en centre-ville, Place d'Arts. Parce qu'il est vraiment très, très intéressant. C'était un beau salon. Là, pour les prochains mois, ouais, j'ai quand même pas mal de dates. Donc, du coup, je vais être sur Culnoy, début février, avec l'association Les Sept Clés, dont je fais partie. Là, normalement, au mois de mai, j'ai la ville de Thionville qui me permet de montrer un petit peu ce que je fais. Elle me prête une salle, du coup, pendant une quinzaine de jours. Donc, ça va pouvoir me permettre d'organiser mon propre vernissage et de faire découvrir pendant 15 jours gratuitement tous mes peintures. Mmh. Le lieu est quand même assez grand et ça me permet de ramener un gros volume de peintures. Mmh. Et après, là, j'ai encore quelques projets qui ne sont pas encore aboutis, mais normalement, je devrais avoir une exposition sur la commune de Brié, dans mon secteur, qui fait découvrir aussi les artistes. Les artistes du coin, voilà. D'accord, donc tu évolues quand même sur toute la région Lorraine, donc Pulnoy, Metz, Thionville, de nouveau un peu dans la localité. Bon, c'est super, donc. Et également, est-ce que tu as une page internet, un endroit où, si on recherche sur Google, par exemple, on peut trouver ce que tu fais? Pas encore, c'est un projet, pour le moment... je montre mon travail plus sur Facebook et j'ai un compte Instagram. D'accord, donc si on recherche, alors comment on fait pour te trouver sur ton compte Insta, par exemple? Il y a juste à taper, donc c'est sur le nom SLC Artwork. Artwork, d'accord. SLC Breath the Rock. D'accord. sur Facebook, c'est sur SLC. D'accord. Mais c'est dans mes futurs projets. Dès que j'ai 5 minutes, je vais me... il faut pas se parler à toute façon. Si tu arrives à faire ça en 5 minutes, pas moi. Oui, voilà, dès que j'ai un petit peu de temps devant moi, oui, ça, c'est vraiment... quelque chose que je dois faire assez rapidement. D'accord, non, mais après, si tu as une page Instagram, on indiquera ta page Instagram sur l'interview ou sur la page de la radio. Voilà, d'accord. Donc, les prochaines dates, prochainement, donc Thionville, ça serait quand que tu ferais Thionville ? Thionville, normalement, ça sera courant mai. Donc, ça va être sur 15 jours. Ça va être, et là, c'est pendant 15 jours où tu pourras présenter une majorité de ton travail. Et entre-temps... Oui, je fais sur place pendant 15 jours, oui. D'accord. Et entre-temps, là, début février, entre 7 et 9, au Centre socio-culturel de Plunoir. Voilà. Puis après, c'est tout des petites expositions, des petites dates dans les communes. On a beaucoup d'associations et tout dans le secteur. Mmh. Du coup, dès qu'il y a des dates et tout, j'essaye toujours de montrer un peu ce que je fais dans le coin. Bien sûr, et puis ça plaît beaucoup, hein, c'est très joli ce que tu fais, donc c'est important de le montrer et de le partager. Écoute Sandrine, voilà, on arrive à la fin de l'interview, je te propose le mot de la fin, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou... J'ai envie de faire un maximum de personnes viennent voir mon travail, ça fait pas très longtemps que je vois ce que je fais. Oui. Ça me fait plaisir d'avoir des avis, et que ça soit positif ou négatif, ça me fait énormément avancer. Moi, j'ai fait des belles rencontres là, depuis un an, et ça me permet de bien évoluer, et je trouve que c'est sympa d'oser montrer ce qu'on fait. Oui, c'est vrai, c'est sympa, et puis c'est intéressant, et moi, pour ma part, qui te regarde depuis quelque temps, je vois que tu progresses à grands pas, donc c'est super. Voilà, donc, allez tous voir Sandrine Lenuyeux à Puneau, au Centre culturel du 7 au 9 février, parce que ce sera l'actualité au moment là où cette émission passe. Puis ensuite, à Thionville ou encore à Brié quand ça sera l'occasion. Merci pour cette disponibilité, Sandrine. Et merci beaucoup, Romain. Excellente continuation à toi. À toi aussi, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt sur la radio Fagette.